d'être là, les trop gros, les trop petits, les trop grands, les trop courts, les fades, les colorés, les épiques, les dépassés, les laids, les trop beaux, les sans-abri, les marginaux. Sortez du décor, les squeegees, les malpris, les papis, les incompris, intoxiqués, névrosés, déprimés, mal aimés, les drogués, les alcoolos, les viebos, les schizos. Vous faites peur aux sapins, avec vos gros pieds, vos gros grosses mains. Vous faites peur aux sapins, avec vos ailes. J'étais tout petit à l'école, à la maison, à l'église, au centre d'achat. On m'a dit, on criait, ordonné, répété. On n'embarque pas avec du monde qu'on connaît pas, on lui parle même pas. Ça fait qu'à regarder des mois, pas les bizarres, les avares, les étranges, les bizarres, les masqués, les déguisés, les maladies qui sont attaqués. Même les gros riches qui marchent avec un caniche. Vous faites peur aux sapins, avec vos gros pieds. Faites peur aux sapins, avec vos heures de plein de pingouin. Boulou, boulou, boulou, boulou. Noël, c'est la fête boulou, de la beauté. Boulou, boulou. Noël, c'est la fête boulou, boulou, des gentils. C'est réservé boulou, boulou, aux grands, aux beaux et aux forts. Avec vos gros pieds.